Les suites d'un laissez-cours en Irlande par Anthony Trollope. Avant de commencer cette narration, je demande au lecteur la permission de me présenter à lui sous le nom d'Archibald Green. J'avais passé une quinzaine à Dublin et je devais de là me rendre pour affaires dans le comté Mayo. Mon quartier général, d'après les renseignements qui me furent donnés, devait être à Ballyglass. Mais j'appris bientôt que je ne trouverais dans cette petite ville aucune installation confortable et cette information me rendit rêveur. « Ne vous inquiétez point, me dit mon vieil ami P. Vous êtes un sportsman déterminé, un cavalier intrépide. Comme tel, vous rencontrerez infailliblement Tom O'Connor, qui ne vous laissera certes pas dans un taudis. Je vous donnerai une lettre pour lui. » Je ne sais comment il se fit que la promesse ne fût point tenue, et je partis pour Ballyglass sans aucune introduction pour qui que ce fût. Je m'établis dans l'hôtel qui passait pour le meilleur de la localité. Où m'avaient déjà précédé mon groom et mon cheval, une très belle bête, remarquable surtout par ses moyens. J'étais là depuis 4 jours, fort dégoûté du local et du service, lorsqu'un beau matin, j'envoyai mon cheval à un rendez-vous de chasse au renard, où je me transportais moi-même en char à bancs découvert. Nul autre qu'un chasseur errant, tel que je le suis, ne peut comprendre le sentiment de tristesse qui s'empare d'un homme lorsqu'il s'introduit, inconnu de tous, dans un groupe de sportsmen entièrement nouveau. Un étranger tombant comme de la lune au milieu d'une chasse devient nécessairement le point de mire universel. Chacun se demande qui il est et d'où il vient. Bref, il devient l'objet d'une véritable enquête. Les choses ne se passent point ainsi dans certains comtés d'Angleterre, où les chasseurs sont trop nombreux pour qu'un étranger y soit remarqué. Mais dans les petites réunions, l'inconnu doit s'armer de tout son courage. Le rendez-vous dont il s'agit était au taillis de Bingham. Il y avait là 12 ou 15 hommes, tous plus ou moins cousins. J'avais eu soin de me présenter en tenue irréprochable, mais durant les 2 ou 3 premières heures, personne ne parut s'occuper de ma présence. Quant à moi, j'avais l'œil au guet, et je ne tardais pas à découvrir parmi mes compagnons de chasse Tom O'Connor. C'était un bel homme, grand et mince, avec un œil gris très perçant et une voix superbe pour parler aux chiens. Il y avait là 2 fils, jeunes gens d'un extérieur, un peu grêle mais cavalier accompli. La matinée ne fut point fructueuse. Il faisait un temps gris et froid de février, avec quelques bourrasques par-ci par-là. Nous chevauchâmes longtemps de fourré en fourré, sans que les chiens donnassent un coup de gorge. Je regrette pour vous, qui êtes étranger, que nous ayons un si mauvais jour, me dit un gentleman. C'était Jack O'Connor, l'un des fils de Tom, devenu depuis mon ami de cœur et quelque chose de plus. Nous pouvons commencer à Poelnoro, si le gentleman veut suivre la chasse, ajouta une voix qui venait derrière nous, celle de Tom O'Connor. « J'irai partout où iront les chiens, » répliquai-je. « Eh bien, venez avec nous à Poelnoro. » Sur ce, nous nous mîmes à trotter botte à botte et avant d'atteindre le fourré, j'avais glissé dans la conversation le nom de Sir P. « Quoi ? Un ami de Sir P ?» s'écria Tom O'Connor. « Que ne le disiez-vous plus tôt ? Que diable faites-vous par ici ? Où êtes-vous logé ? Etc. etc. » Nous trouvâmes en effet un renard à Poelnoro. Mais avant de l'avoir lancé, Tom O'Connor m'avait déjà offert l'hospitalité dans son château, et il le fit de telle façon qu'il n'eut pas moyen de refuser ou plutôt de désobéir car son invitation équivalait à un ordre. Il va sans dire, ajouta-t-il, que c'est pour la fin de la journée. Voyons, nous ne sommes pas loin de Ballyglass, mais la chasse peut nous mener dans une direction tout opposée. Envoyez un mot pour qu'on vous apporte vos effets à Castle Connor, mais ils ne sont point empaquetés. « Tout est dissimulé un peu partout. N'importe. Écrivez un mot au crayon. Demandez ce dont vous avez besoin pour ce soir et demain vous irez chercher le reste. »« Oh là ! Patsy ! Patsy ! Cours à Ballyglass, mon garçon. Portez le message de ce gentleman. » Sur ce, après avoir donné ses instructions au groom surnommé, il me laissa écrire sur le rebord d'un fossé quelques lignes à mon aubergiste. Le message était ainsi conçu. Envoyé dans mon petit porte-manteau, mes vêtements noirs habillés, chemise, chaussettes, cravate blanche et mes affaires de toilette qui sont sur la petite table. Surtout, n'oublie pas mes escarpins. J'eus soin de souligner ce dernier mot et voici pourquoi. Jack O'Connor, en me confirmant de la façon la plus aimable l'invitation de son père, m'avait dit « Mes sœurs veulent danser ce soir et, si vous aimez ce genre de divertissement, vous vous amuserez. » À cette époque, j'aimais beaucoup la danse et les jeunes filles. J'aimais enfin tout ce qu'on aime quand on est jeune. Je fus ravi d'apprendre que Tom O'Connor avait des filles aussi bien que des garçons, et la perspective d'un petit bal impromptu me combla de joie. Nous eûmes une très belle poursuite, dans laquelle je ne me comportais pas trop mal. Je fus tout le temps derrière les chiens, avec toute la couvée O'Connor, et lorsque vers la fin du jour le renard se taira, je fus félicité sur l'excellence de mon cheval, ce qui est le compliment le plus apprécié par un chasseur. « Nous vous achèterons ce gaillard-là avant que vous partiez, » me dit Peter, le plus jeune des O'Connor. « Si vous le vendez à mon frère, » dit Jack, « prenez garde à votre argent. » Là-dessus, nous prîmes, trop mesuré, la route de Castle Connor, qui n'était pas tout près de nous. Nous avions 10 000 à faire, 10 000 Irlandais. Nos chevaux étaient fatigués et il était tard lorsque nous arrivâmes à notre destination. Ces retours de chasse avec un animal à bout de force sont généralement tristes. Dans cette circonstance, je ne me plaignais pas, j'avais de la compagnie. Mais lorsqu'un homme est seul, lorsque son cheval bute de 10 en 10 pas, lorsque la nuit est noire et que la pluie le trempe jusqu'aux os, faut-il s'étonner s'il jure de renoncer à courre le renard? Enfin, nous atteignîmes la cour des écuries de Castle Connor et nous pénétrâmes dans la maison par un labyrinthe de couloirs. En descendant de cheval, M. O'Connor avait dit assez haut pour être entendu de tous. « Mes enfants, souvenez-vous que je me mets à table dans 20 minutes. » Puis il se tourna de mon côté et me mettant familièrement la main sur l'épaule, il ajouta « Vous êtes ici chez vous. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de ne pas vous faire attendre pour dîner. Vous pouvez vous habiller dans 20 minutes, je suppose. »« Dans 10, » répliquai-je vivement. « C'est bien. Jack et Peter vous indiqueront votre chambre. » Mes deux jeunes amis, après 1000 détours, gagnèrent le grand vestibule, puis le salon où je les suivis. Nous étions tous en habit rouge et plus ou moins couverts de boue. Je ne savais trop où l'on me conduisait ainsi, lorsque je me trouvais en présence de deux jeunes personnes et d'une fillette de 13 ans. « Mes sœurs, » dit Jack en me présentant sans autre cérémonie, « Miss Fanny O'Connor, Miss Kate O'Connor, Miss Tizzy O'Connor. »« Mon nom n'est pas Tizzy, » dit la dernière, « je me nomme Elisa. » « Comment vous portez-vous, monsieur? J'espère que vous avez fait une bonne chasse. Papa est-il content, Jack ?» Au lieu de répondre à cette question, Jack demanda s'il était arrivé quelque chose et si une chambre avait été préparée pour moi. « Oui, » dit Miss O'Connor. « J'ai vu arriver un porte-manteau qu'on a transporté dans la maison. J'espère que monsieur Green trouvera tout en bon ordre. » Comme elle achevait ces mots, je crus voir un sourire se dessiner sur les deux plus jolies lèvres du monde. Les deux jeunes filles étaient extrêmement jolies. Fanny, l'aînée, avait de longues boucles qui pendaient le long de ses joues, suivant la mode du temps, car je ne parle pas d'hier à mes lecteurs. Oui, de longues boucles brunes et soyeuses et des yeux hors des yeux. Je n'ai jamais su ce qu'il y avait en eux de plus frappant, de leur éclat ou de leur malice. Son visage n'était que faussette et dans chacune le rire et l'amour semblaient avoir élu domicile. Kate était la plus jolie des deux, mais en somme, moins attrayante peut-être que sa sœur. À l'inverse de Fanny, elle portait ses cheveux en tresse. En dépit des injonctions de M. O'Connor, il fut impossible de ne pas s'attarder 5 minutes auprès de ces charmantes filles, tant elles étaient gracieuses et pleines d'aisance, tant il leur semblait naturel de me voir en habit rouge et en bottes crottées. La moitié des 5 minutes n'était pas écoulée que nous étions déjà intimes. « Allez vite vous habiller, » dit enfin Fanny, s'adressant à ses frères, mais avec un coup d'œil spécial à mon intention. « Vous savez combien mon père est impatient. Monsieur Green, nous attendons beaucoup de vous ce soir. Préparez-vous à des exploits chorégraphiques. C'est la Providence qui vous envoie. » Et un soupçon de sourire passa de nouveau sur ses lèvres. Je me dirigeais vers ma chambre sous la conduite de Peter et de Jack. « Tout est-il bien ?» dit Peter en inspectant les serviettes et les appareils d'ablution. « Bon, je vois qu'on vous a fait du feu, » dit Jack en remuant la tourbe qui brûlait dans la grille. Là-dessus, mes nouveaux amis me laissèrent seuls. Je songeai aussitôt à me mettre à l'œuvre et fus satisfait de voir que tout était prêt pour ma toilette. Mon porte-manteau n'était point fermé. Les domestiques de la maison avaient pu en extraire le contenu. Ma chemise chauffant près du feu, mes habits étendus sur le lit tout auprès de la cravate et les chaussettes, mes brosses sur la toilette, tout cela formait un ensemble très réjouissant et qui me parut complet. Mon propre domestique n'eut pas mieux arrangé les choses. Assis dans le fauteuil placé tout exprès pour moi devant le feu, je commence à me dévêtir en ôtant mes éperons et mes bottes. Mais quel est cet objet, ou plutôt, quels sont ces objets sur lesquels tombe mon premier regard? En face de mon fauteuil se dresse une énorme paire de brodequins pour la chasse à tir, portant chacun à la semelle et au talon une tonne de fer sous forme de clous. Je les avais commandés 15 jours auparavant dans Burlington Arcade, pour le cas où je voudrais chasser à pied durant mon voyage. Mais pourquoi, quand j'avais très expressément demandé mes escarpins, mon hôtelier m'envoyait-il ses chaussures? Les prenait-il par hasard pour des chaussures de bal? Je courus à mon porte-manteau, espérant y trouver l'objet nécessaire, mais le porte-manteau était vide. Je cherchai de tous côtés, hélas, vainement. L'envoi ne contenait d'autres chaussures que ces affreux brodequins. Je n'avais rien à mettre aux pieds, pas même une paire de pantoufles. Le sentiment de mon infortune m'envahit par degrés. Les 20 minutes fixées par ce redoutable chef de famille étaient déjà presque écoulées, et je n'avais pas encore commencé ma toilette. Que faire? Je ne pouvais descendre pour dîner avec mes bas, ni mettre mon pantalon noir par-dessus des bottes à revers toutes tachées de boue. Quant à ces abominations bardées de fer, elles m'inspiraient une telle horreur que je leur allongeais de mon pied un coup qui les envoya rouler sous mon lit. Je me lavais et me peignais à tout hasard, mais cela ne changeait rien à la situation. Que faire, encore une fois? Le premier expédient dont je m'avisais fut de me mettre au lit et d'envoyer dire que j'avais été pris d'une subite indisposition. Après quoi, je me lèverais avec le jour et partirais sans avoir vu personne. Mais agir ainsi, c'était perdre toute chance de connaître ces charmantes filles dont j'avais déjà la tête tournée. Fallait-il prendre le taureau par les cornes, mettre hardiment les brodequins de chasse et rire le premier de l'aventure? Cela pourrait aller, à la rigueur, pour le dîner, mais pour le bal. Si j'essayais d'emprunter une paire de chaussures, tout le monde dira que telle aurait dû être ma première idée. À cela, je répondrai par un aveu pénible, mais inévitable, c'est que ma charpente osseuse est extrêmement développée et que je suis loin de posséder un pied de cendrillon. C'est pourquoi je n'espérais guère trouver quelque chose qui m'accommoda. Finalement, je me décidai à sonner. Mon plan était d'envoyer quérir Jack et de lui exposer mon embarras. Je dus sonner 2 fois avant que quelqu'un se présentât. À la fin, je vis entrer un homme vêtu d'un costume noir quelque peu râpé qui était, comme je l'appris un peu plus tard, le maître d'hôtel. « Quel est votre nom, mon ami ?» lui demandai-je, résolu à m'en faire un allié. « Mon nom ? Je me nomme Larry, sûrement votre honneur est... » « Permettez-moi de vous dire que le maître est dans tous ses états parce que votre honneur n'est pas encore descendu. »« Vraiment ?»« Voyons, Larry, dites-moi lequel de tous les gentlemen de la maison a le plus grand pied. »« Le plus grand pied, votre honneur ?» dit Larry, surpris de la question. « Oui, le plus grand pied. » Là-dessus, je lui expliquai ma situation. Le brave homme prit une de mes bottes à revers et l'examina. Puis il regarda mon pied, qu'il mesura de l'œil, après quoi il formula ainsi son opinion. « Votre honneur ne trouverait pas un morceau de cuir appartenant à mes maîtres, jeunes ou vieux, qui peut le chausser. Il n'y a jamais eu un pied comme ça parmi les O'Connor. Mais n'y a-t-il pas des étrangers? Il y en a 3 ou 4 à dîner, mais ils ont besoin de leurs chaussures, j'imagine. Et puis il y a le jeune monsieur Dillon qui est à demeure. Il y en aurait davantage que ce sera la même chose, car Dieu me pardonne. » Ici l'honnête serviteur mesura de nouveau la distance qui sépare le talon de la pointe. « Je n'ai jamais vu un pied pareil dans toute la baronnie, si ce n'est peut-être le mien. » Ces derniers mots me firent jeter un regard sur les pieds, ou plutôt sur le pied de mon interlocuteur, car je n'en voyais qu'un. Un rayon d'espoir éclaira soudain la nuit sombre où j'étais plongé. À ce pied qui paraissait être de la taille du mien, brillait un soulier, non équivalent sans doute à ceux qui reposaient sans gloire dans l'auberge de Balai-Glace, mais en somme assez présentable. Je me serais d'ailleurs contenté de moins dans la situation où je me trouvais. « Laissez-moi voir votre soulier, » dis-je comme par curiosité. Larry, accoutumé à l'obéissance, ôta son soulier et me le présenta. Mon pied s'y introduisit aussitôt. Il m'allait comme un gant. « Et maintenant l'autre ?» poursuivis-je en tendant la main. « Et quoi, votre honneur, voudrait-il les garder ? Mais n'en ai pas d'autre pour mes pauvres pieds. » Je persistais néanmoins à tendre la main. L'habitude prévalut encore. Larry se baissa, non sans me regarder d'un air suppliant. Ôta l'autre soulier et me le tendit avec hésitation. Hélas, celui-ci ne ressemblait pas du tout à son frère. Il était vieux et déplorablement éculé. Néanmoins, j'y mis mon pied et vis qu'en somme il m'était possible de paraître ainsi dans le salon. « Mais votre honneur aura pitié d'un pauvre homme. Il ne voudra pas le mettre dans l'embarras, » dit Larry d'un ton larmoyant. « Le maître s'impatiente parce que le dîner n'est pas servi. Bonté divine, entendez-vous ? » Tandis qu'il parlait, un carillon formidable venu d'en bas disait assez clairement que la cloche était agitée par une main furibonde. « Larry, » lui dis-je avec toute l'expression que je peux mettre dans mes paroles, « j'attends que vous m'assisterez dans cette occasion. Grand Dieu, que vais-je devenir ? Écoutez encore. » En effet, la cloche retentit de nouveau comme si elle allait se briser. « Si vous faites ce que je vous demande, vous serez récompensé. Voyez ces brodequins, » dis-je en lui montrant le chef-d'œuvre tout frais et clos de Burlington Arcade. « Ils coûtent 30 shillings. Eh bien, je vous les donne en retour de vos pantoufles que vous allez me prêter pour ce soir. Mais, avec tout le respect que je dois à votre honneur, ces chaussures ne me serviront de rien. Vous pouvez très bien les mettre ce soir, les vendre ensuite. Et puis voici encore 10 shillings, ajoutai-je en lui mettant dans la main une pièce d'or. Sur quoi, sans plus de conversation, je sortis immédiatement de la chambre. L'un de mes pieds était suffisamment pourvu, mais il n'en était pas de même de l'autre. Toutes les fois que je tentais de le lever, l'horrible pantoufle m'échappait ou ne tenait que par l'orteil. La danse était donc parfaitement hors de la question. « Sang et meurtre !» cria Larry. « Pendant ce temps, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà cet enragé qui recommence !» Cette dernière exclamation était provoquée par un nouvel et plus furibond appel de la cloche. J'avoue que je n'étais pas à mon aise en descendant l'escalier. D'abord, j'étais en retard de près d'une demi-heure, et les sonneries réitérées dont la maison avait retenti prouvaient que ma lenteur avait causé de vives impatiences. Et puis mon soulier gauche me sortait du pied presque à chaque marche. Ce qu'il y avait de pire, c'était la certitude de devenir un objet de raillerie pour les jeunes filles, aussitôt que je ferais mon entrée dans le salon. Dirais-je plus, je les soupçonnais d'être au courant de mon infortune et de s'en amuser d'avance. L'étalage des brodequins ferrés devant la cheminée où ils avaient l'air de narguer leur propriétaire m'avait paru l'œuvre d'une main espiègle qui ne pouvait être celle d'un domestique. Je n'étais pas éloigné de croire qu'en ce moment ces joyeuses personnes écoutaient si le bruit des clous sur les dalles du vestibule ne signalait pas mon approche. Néanmoins, je me hâtai autant que je pus et j'arrivai au salon, décidé à rester près de la porte, de façon à avoir le moins de chemin à faire possible, soit en entrant, soit en sortant. Mais ici, d'autres difficultés m'attendaient. Je n'avais encore été présenté ni à Mrs. O'Connor, ni à Miss O'Connor, la sœur non mariée du maître de la maison. « Sur mon honneur, je croyais que vous ne viendriez jamais, » dit M. O'Connor dès qu'il m'aperçut. « Voilà juste une heure que nous sommes descendus de cheval. Jack, faites-moi le plaisir de trouver Larry. Je ne m'explique vraiment pas son absence. » C'était naturellement à lui à me présenter. S'il ne le fit pas, c'est que sa mauvaise humeur le lui fit sans doute oublier. Les deux jeunes filles me regardaient avec persistance, mais je me tenais debout derrière un fauteuil de façon que personne ne pût voir mes pieds. Toutefois, cette petite peste de Tizzy, sans prendre la peine de dissimuler la manœuvre, passa derrière moi et inspecta mes talons. Elle était évidemment dans le secret. Il y avait une douzaine de personnes dans le salon, mais j'étais si mal à mon aise que je m'inquiétais fort peu de savoir qui ils étaient. « Ma mère, laissez-moi vous présenter M. Green, » dit Miss O'Connor, l'aînée des deux jeunes filles. Mrs. O'Connor était heureusement du même côté de la cheminée que moi, de sorte que je pus prendre la main qu'elle me tendait sans m'exhiber au milieu du cercle. « Et maintenant, Dai, Monsieur Green, » dit Kate en m'indiquant une femme âgée, mais droite et raide comme un pieu, qui occupait le coin d'un sofa de l'autre côté du foyer. La politesse s'exigeait que je m'approchasse de cette dame pour lui présenter mes hommages, mais dans les circonstances où je me trouvais, je me contentais de la saluer de ma place, ce qui faillit m'en faire une ennemie. « Monsieur Green, » reprit Tom O'Connor, « ces dames attendent beaucoup d'un Adonis qui met tant de temps à sa toilette. »« En effet, » ajouta Fanny, « Monsieur Green n'ignore pas que nous fondons sur lui de grandes espérances. J'espère que vous polquez bien, Monsieur Green. » Je murmurai quelque chose avec l'intention d'exprimer que je ne dansais pas, mais je suis sûr que personne n'entendit un mot. « Je ne pense pas que Monsieur Green danse beaucoup ce soir, » dit la jeune Tizzy. L'impudence de cet enfant était phénoménale. « Mais au nom du ciel, pourquoi ne sert-on pas le dîner ?» demanda Monsieur O'Connor. « Larry, Larry, Larry » cria-t-il d'une voix tonnante. « Oui, votre honneur, dans une seconde, » répondit Larry du fond de quelque abîme. Les deux secondes s'écoulèrent, puis quelques autres, puis enfin un pas lourd et bruyant se fit entendre. Quel tapage il faisait sur le pavé, car tout n'était que pierre dans ce vieux château. Je compris que l'infortuné maître d'hôtel avait chaussé mes brodequins et des gouttes de sueur froide perlaient sur mon front. Tout à coup, ce fut bien autre chose, il y eut une glissade, une chute, et j'entendis distinctement la tête du pauvre homme frapper le sol. « Ron, Ron !» criait-il dans son baragouin irlandais. « je suis mort. Ah, damné brodequin, Saint-Pierre, venez à mon secours !» Tout le monde se précipita, et je fus entraîné par le torrent. Le cocher aidait le malheureux à se relever, pourvu qu'il n'allât pas dire que je lui avais pris ses souliers. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» demanda M. O'Connor. « Il doit être ivre, » murmura Miss O'Connor, la tante. « Je ne suis pas ivre, » riposta Larry, tout en se frottant le derrière de la tête et autres parties du corps. Puis il ajouta en se redressant, « Le dîner est servi, enfin !» Et il supporta tout sans rien dire. « Je lui donnerai une guinée demain, » me dis-je en moi-même, « quand ce serait la dernière que j'aurai dans le monde. » Je n'oublierai jamais la physionomie des deux jeunes filles lorsque Larry se releva, en maudissant ses malencontreux brodequins. « Mais enfin, qu'est-ce qu'il a donc ?» répéta M. O'Connor. Dans la confusion produite par cet incident, on se mit à table sans observer le cérémonial d'usage. En ma qualité d'étranger, j'aurais dû donner le bras à Mrs. O'Connor, mais le hasard me donna pour compagnon sa fille aînée, ce dont je ne me plaignis pas. Une fois rendu dans la salle à manger où j'arrivais sans exciter beaucoup d'attention, je me trouvais heureusement assis entre Kate et Fanny. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi étrange, » dit la dernière. « Je ne comprends pas ce qui arrive à notre vieux serviteur Larry, lui qui est généralement l'exactitude en personne. Il est en retard aujourd'hui de près d'une heure, et puis il tombe dans le vestibule. « Je crains d'être responsable du retard, » murmurai-je. « Mais non, pas de la chute, je suppose, » dit Kate. Je sentis que je rougissais jusqu'aux yeux et n'osais point entrer dans les explications. « Tom, » dit Tizzy s'adressant à son père à travers la table, « avez-vous fait bonne chasse ?» Il me semblait bizarre qu'une jeune fille appelât son père par son prénom. Toutefois, celui-ci répondit à l'interpellation comme si elle lui semblait naturelle. « Et vous avez sans doute suivi les chiens ?»« Vous pouvez le demander à M. Green, qui ne les a pas quittés. »« Oh, je suis sûr qu'ils n'étaient pas avant vous. Aucun Anglais ne peut vous laisser derrière, j'en suis sûr. »« Ne soyez pas impertinente, miss, » dit Kate. « Monsieur Green, mon père gâte ma petite sœur, comme vous voyez. » J'engageai ensuite avec mes voisines une conversation si intéressante que j'oubliais complètement ma mésaventure. Les deux jeunes filles étaient aimables et spirituelles. Fanny surtout me plaisait singulièrement, et j'allais jusqu'à me dire qu'une femme comme elle me rendrait le plus heureux des maris. Au moment où, sous cette impression, je me penchais pour lui dire quelque chose de gracieux, une note sépulcrale retentit à mon oreille, semblable au memento mori du vieux Romain. C'était la voix de Larry qui murmurait au-dessus de ma tête. « Monsieur, ils abîment mes pauvres pieds, je ne puis plus y tenir. » J'étais comme Macbeth, poursuivi dans son festin par l'ombre de Banco. « Qu'est-ce qu'il vous a dit ?» demanda Fanny. « Oh, rien, » répondis-je en espérant lui donner le change. « Il semble y avoir quelques confidences entre vous et notre Larry. »« Pas du tout, » me hâtai-je de dire au comble de la confusion. Il n'y aurait pas lieu d'en rougir. La moitié des gentlemen du comté sont en confidence avec Larry. Il est né dans la maison et ne l'a jamais quitté. Tous nos amis l'aiment infiniment. Je demeurai quelques minutes sans pouvoir reprendre possession de moi-même. Lorsque Larry était de notre côté de la table, je tremblais d'entendre quelque autre chuchotement plaintif. Lorsqu'il était en face de moi, sa vue me mettait au désespoir. Il était évidemment à la torture dans mes brodequins. Le remords me bourrelait. J'aurais préféré être dans mon lit avec une maladie simulée, et je regrettais de n'avoir pas suivi à cet égard ma première inspiration. Bientôt, je ne le vis plus. Le pauvre homme était allé sans doute mettre ses pieds à l'aise. Je respirai un instant, espérant qu'il ne reparaîtrait pas. Mais il était écrit que j'avalerais le calice jusqu'à la lie. L'absence du maître d'hôtel ne tarda pas à être remarquée par M. O'Connor. « Larry, Larry !» cria le bouillant amphitryon. « Où diable est-il allé ? Il y a quelque chose de détraqué chez cet homme-là aujourd'hui. Qu'est-ce que cela peut être, Jack ?»« Sur mon honneur, monsieur, je n'en sais rien, » répliqua le fils aîné. La vieille tante formula de nouveau l'accusation d'intempérance, mais le cocher protesta avec énergie. « Non, madame, » s'écria-t-il, « il n'est pas ivre. Ce sont ses pieds qui sont cause de tout. »« Comment, ses pieds ? » demanda M. O'Connor. « Oui. » Il portait de gros souliers à clous qui le gênaient horriblement. C'est ce qui l'a fait tomber dans le vestibule. « Qu'il revienne immédiatement, » dit M. O'Connor. « Il nous expliquera lui-même tout cela. » Ici, je jetai un coup d'œil sur mes deux voisines et l'expression de leur physionomie confirma les soupçons qu'elles m'avaient inspirés. Kate souriait malicieusement tandis que Fanny semblait compatir à ma détresse. Je crus même lire dans ses yeux un encouragement à tout confesser. Pouvais-je rester sourd à cet appel où je voyais une marque de sympathie? Je sentis que le moment était venu de m'exécuter. Je le fis de la meilleure grâce que je pus en racontant la mésaventure dans laquelle l'honnête maître d'hôtel m'était venu en aide, bien malgré lui. Comme j'achevais ma confession, Larry, qui était aux écoutes, reparut. Cette fois, alerte comme une souris. Il marchait avec ses bas et tenait à la main les fameuses chaussures de Burlington Arcade qu'il exposa aux yeux de tous les convives. « Voilà donc la cause de tous vos malheurs, » dit gaiement M. O'Connor. « Oui, votre honneur, et je vous assure que j'ai les orteils engelés. » Ces mots provoquèrent un rire général auquel se joignait Larry lui-même, tout heureux de voir son maître en belle humeur. « Ainsi, » me dit M. O'Connor en se tordant de rire, « vous portez les souliers de Larry. » Je répondis par un signe affirmatif accompagné d'un air de résignation. « J'espère, » dit Kate, « que ce seront de bons souliers pour la danse. » « Oh, ceci est une autre affaire, » riposta Tizzy, l'enfant terrible. « Il y en a un qui n'a plus de talons. » Fanny parut consternée de cette dernière communication, d'où il résultait qu'il ne fallait pas compter sur moi pour le bal. Mais en ce moment, sous le signal donné par Mrs. O'Connor, les dames se levèrent, laissant la partie la plus laide de la compagnie en possession de la table. Pas n'est besoin de décrire ces réunions masculines où les propos de chasse se mêlent au cliquetis des verres. Au bout de 10 minutes, la porte s'entr'ouvrit et une voix féminine que je reconnus sur le champ appela Jack. Celui-ci courut à la porte, passa sa tête par l'ouverture, puis, se retournant, « Green, » dit-il, « venez un moment, s'il vous plaît. » Je sortis aussitôt et trouvai Fanny en conférence avec son frère. « Ces jeunes filles sont au sans-coup à votre sujet, » me dit Jack. « Elles veulent absolument que vous dansiez. C'est pourquoi Fanny a fait monter à cheval l'un de nos grooms. » Et elle propose que vous envoyiez un second message à votre hôtelier de balai glace. Il n'y a que 10 000. Il sera de retour dans 2 heures. Inutile de dire que je ne fis aucune objection. Nous passâmes tous trois dans le cabinet de M. O'Connor où j'écrivis mon billet. Rien ne pouvait me charmer davantage que cette intimité avec des hôtes aussi aimables. Nous ne commencerons pas avant son retour, dit Fanny. Oh, Miss O'Connor, je vous en prie, n'attendez pas si longtemps. Ce ne sera pas si long que vous le croyez. Vous avez votre vin à boire, puis il y a le thé, et puis nous ferons un peu de musique. On chantera 2 ou 3 romances. Vous allez voir comme le temps passera. Là-dessus, elle se dirigea vers la porte d'entrée où attendait le jeune groom déjà en selle. « Patsy !» lui dit-elle. Le lecteur reconnaîtra sans doute le messager. « Courez comme s'il s'agissait de votre vie. Et quoi qu'il arrive, ne revenez pas sans les escarpins de M. Green. C'est sous l'île de danse, vous comprenez ?» 2 heures plus tard, les souliers arrivaient. Il n'existe pas dans mes souvenirs de soirées plus agréables, et j'ajouterai que jamais chaussures ne m'ont procuré plus de satisfaction. Elles étaient à mes pieds depuis 2 minutes à peine que Larry, chargé d'un plateau de rafraîchissement, traversait le salon avec celles que j'avais portées pendant le dîner. « Les jeunes filles d'Ilan vont demeurer quelques jours, » me dit Fanny, lorsque je lui souhaitais une bonne nuit à 2 heures du matin. « Nous danserons tous les soirs tant que vous resterez. » « Mais je dois partir demain, » répliquai-je, bien que je n'en eusse aucune envie. « Oh, vous ne partirez pas. Mon père aura soin de vous retenir. » C'est ce que fit en effet Tom O'Connor. « Ce qu'il y a du mieux, » me dit-il, « c'est d'aller vous-même demain à Ballyglass et de rapporter tous vos bagages. on ne sait pas ce que vous pourriez avoir encore à emprunter à Larry. » Je passai là 3 semaines au comble du bonheur. 2 mois plus tard, j'épousai Fanny O'Connor, qui était jusqu'à ce jour la fidèle compagne de ma vie. Ainsi s'achève les suites d'un laissé-court en Irlande par Anthony Trollope.